droite à gauche, du rouge au bleu. Des journaux, des télévisions, images de Gandhi, d'Hortefeu. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Société. La joie dans le cœur, le regard triste. J'avance avec ambiguïté. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Prisonnier de ma liberté, j'admire ou j'ignore à mon aise. Différence et fraternité, la Marianne et la Marseillaise. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité.